Frédéric lui demanda comment elle l'avait découvert. « C'est un soir que vous m'avez baisé le poignet entre le gant et la manchette. » Je me suis dit « Mais il m'aime, il m'aime. » J'avais peur de m'en assurer cependant. Votre réserve était si charmante que j'en jouissais comme d'un hommage involontaire et continu. Il ne regretta rien. Ses souffrances d'autrefois étaient payées. Quand ils rentrèrent, Madame Arnoux ôta son chapeau. La lampe, posée sur une console, éclaira ses cheveux blancs. Ce fut comme un heurt en pleine poitrine. Pour lui cacher cette déception, il se posa par terre à ses genoux et, prenant ses mains, se mit à lui dire des tendresses. « Votre personne, vos moindres mouvements, me semblaient avoir dans le monde une importance extraordinaire. Mon cœur, comme de la poussière, se soulevait derrière vos pas. Vous me faisiez l'effet d'un clair de lune par une nuit d'été, quand tout est parfum, ombre douce, blancheur, infinie. Et les délices de la chair et de l'âme étaient contenus pour moi dans votre nom, que je me répétais en tâchant de le baiser sur mes lèvres. Je n'imaginais rien au-delà. C'était Madame Arnoux, telle que vous étiez, avec ses deux enfants, tendre, sérieuse, belle à éblouir et si bonne. Cette image-là effaçait toutes les autres. Est-ce que j'y pensais seulement, puisque j'avais toujours au fond de moi-même la musique de votre voix et la splendeur de vos yeux ? Elle acceptait avec ravissement ses adorations pour la femme qu'elle n'était plus. Frédéric, se grisant par ses paroles, arrivait à croire ce qu'il disait. Madame Arnoux, le dos tourné à la lumière, se penchait vers lui. Il sentait sur son front la caresse de son haleine, à travers ses vêtements, le contact indécis de tout son corps. Leurs mains se serrèrent. La pointe de sa bottine s'avançait un peu sous sa robe et il lui dit, presque défaillant, « La vue de votre pied me trouble. » Un mouvement de pudeur la fit se lever, puis immobile et avec une intonation singulière des somnambules. « À mon âge, lui, Frédéric, aucune n'a jamais été aimée comme moi. Non, non. À quoi sert d'être jeune? Je m'en moque bien. Je les méprise, toutes celles qui viennent ici. Oh, il n'en vient guère, reprit-il complaisamment. Son visage s'épanouit. Elle voulut savoir s'il se marierait. Il jura que non. Bien sûr. Pourquoi? À cause de vous, dit Frédéric en la serrant dans ses bras.